Allez fort corps. Deuxième mort musique. Mal sur ton tel larcin. Tu le regrettes, il t'en prend pas les sarrasins. Ouais, et je kick sale, en petit ou en grande salle. Sur l'instru, je te casse le dos, comme la saison foot sale. Ouais, la vie c'est dur, il faut que je me fasse à l'idée que mes contradictions deviendront des fatalités. Combien on a écoulé, combien on a mis de côté. Tout ça en espérant avoir la baraka à l'idée. Ouais, posé devant la lime, j'ai frite mon shit à Lidl. Je vais tirer sur un tel, les nouvelles mentalités. Ouais, nouvelle époque, je vois des potos parler seul. Boire, deux, trois bouteilles et marquer les banaliser. Ouais, y'a que des putes dans le game, il faut les durs. Dans leur quartier tiennent les murs. Wesh mon frère c'est nous la hure, hein. J'suis mon pète frérot, là j'suis à l'ouest. Ça y est y'a plus de dialogue les frères, tu en larmes de l'est, hein. Des rappeurs mon fest, hein. Quand tu parles pas de geste, hein. Après mon passage dis-moi si l'en reste, hein. Amène ton rappeur je le frappe juste en gestuel. J'ai pas fini de les niquer, ni voir rien de sexuel, hein. J'récapitule en vrai j'vais tous les aligner. Mais par contre ta copine répond quand elle sait que mon sexy est. J'prends du nif, j'le vois pas, c'est con ils veulent ma patte. J'ai la patte, j'ai la patte, t'es nique même complètement rabat. Ouais. J't'ai mis la larme à l'œil dans le son, allume ton briquet. Avec de la vodka dans le sang, ça fait compliqué. J'dis leur calif, on fait pas du rap de comique. Leur vie, c'est un commentaire, les yeux fermés, on les nique. En ce moment, je prépare quelque chose sans que ça va bombarder. J'arrive chargé de six ou en six, tout bombardier. La vérité, je vais tout niquer, en ce moment c'est compliqué. J'ai un fou le couze, j'ai jamais t'mi niqué. J'ai fait sur la béquille, je crois j'ai perdu mon briquet. Tu la connais cette fille, elle est tarpin compliquée. Y'a Chica et Antox, y'a Ryan et Néné. Ce soir j'ai fait le tox, je me levais tout rainé. Que ça me dit Calif, vas-y envoie des sons. Je tarpin bordélique, ça va arriver le sang. J'ai mis le son dans l'ordi, mets le shit dans les ordures. Elle a mis le shorty, mes dents je les ai sortis. Je suis trop resté au quartier, au réseau. Dis pas parce que j'ai fait, mais je suis pas le chapeau. Je suis calé au bloc, y'a l'eau ainsi sur le capot. Tiens, j'ai le matos, vas-y, roule un deux pots. Je suis trop resté au quartier, au réseau. Dis pas parce que j'ai fait, mais je suis pas le chapeau. Je suis calé au bloc, y'a l'eau ainsi sur le capot. Tiens, j'ai le matos, vas-y, roule un deux pots. Pourquoi tu me parles à Miss? À qui tu barres la route? C'est pas qui t'a affaire, l'un d'être aveuglé par l'amour. Pourquoi tu me parles à Miss? À qui tu barres la route? C'est pas qui t'a affaire, l'un d'être aveuglé par l'amour. Pourquoi tu me parles à Miss? À qui tu barres la route? C'est pas qui t'a affaire, l'un d'être aveuglé par l'amour. Deuxième mort musique. Ça arrive fort, frère. Ceux qui croient pas en nous. On est là, on fait des classiques, hein. Youla, comme d'hab. Allez, fort corps, dealer. 13ème art. Musique.